Troisième partie, chapitre 32, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 32. Des jeux qui sont défendus. Le jeu de dés et de cartes et autres semblables, où les gains dépendent principalement du hasard, ne sont pas seulement des divertissements dangereux, comme les danses, mais ils sont absolument et dès leur nature mauvais et blâmables. C'est pourquoi ils sont défendus par le droit civil et ecclésiastique. Mais quel grand mal y a-t-il, direz-vous? Je vous réponds que les gains n'étaient pas réglés dans ces jeux par la raison, mais par le sort, qui tombe bien souvent à celui dont l'industrie ne mérite rien. Ce dérèglement est contraire à la raison. Mais, répliquez-vous, nous en sommes ainsi convenus. Je vous réponds aussi que cela est bon pour justifier que celui qui gagne ne fait point de tort aux autres. Cependant, il ne s'ensuit pas que la convention ne soit déraisonnable, et le jeu aussi, parce que le gain, qui doit être le prix de l'industrie, devient le prix du sort, lequel ne dépendant nullement de nous, ne mérite rien. De plus, le jeu n'est fait que pour nous divertir. Et néanmoins, ces jeux de hasard ne sont pas de véritables divertissements, mais des occupations violentes. Car ce n'est pas une violente occupation que d'y avoir toujours l'esprit pendé avec une contention forcée et agitée par des inquiétudes et des vivacités continuelles. Y a-t-il aucune application d'esprit plus mélancolique, plus sombre et plus chagrine que celle des joueurs qui se dépitent et s'emportent si l'on dit un mot, si l'on rit tant soit peu, si l'on tousse seulement? Enfin, ce jeu ne porte point de joie si l'on ne gagne, et cette joie n'est-elle pas injuste puisqu'elle suppose la perte et le déplaisir du prochain? En vérité, un tel plaisir est indigne d'un honnête homme. Et voilà les trois raisons pour lesquelles l'on a défendu ces mauvais jeux. Saint-Louis, étant sur mer et sachant que le comte d'Anjou, son frère, jouait avec Messire Gautier de Nemours, il se leva, tout malade qu'il était, s'en alla avec bien de la peine dans leur chambre, prit la table, les dés et une partie de l'argent, et jeta tout dans la mer, en leur témoignant fortement son indignation. La jeune Sarah, parlant à Dieu de son innocence, dont la belle prière qu'elle lui fit, lui représenta qu'elle n'avait jamais eu de société avec les joueurs et les joueuses. Fin de chapitre 32, troisième partie.